FrenchPod.com. Le prochain vol pour Londres Air France AF111 aura 2 heures de retard. Pff, encore 2 heures d'attente, ce n'est pas vrai! Vous n'avez pas de chance. Vous attendez depuis longtemps? Non, pas trop, mais j'ai une réunion dans 3 heures à Londres. Vous pouvez peut-être voyager avec une autre compagnie? Vous avez raison. Je vais envoyer un texto à ma secrétaire afin de voir si c'est possible. Voilà. Merci du conseil. Au fait, je m'appelle Pierre Cordier. Enchantée, Caroline Brossard. Tout le plaisir est pour moi. Où est-ce que vous allez? J'ai un vol pour Dakar dans 20 minutes. Vous y allez pour le travail? Oui, pour affaires. Je dirige une société qui importe des plumes d'autruche en Europe. Incroyable! Je travaille dans le même secteur d'activité. Je suis représentant commercial pour une entreprise australienne qui exporte des plumes dans le monde entier. Je suis responsable du bureau européen. Ça m'intéresse. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs. Je reviens en France à la fin du mois. Nous pourrions en rediscuter ensemble à ce moment-là. Vous êtes basé à Paris? Oui, à la Défense. C'est une très bonne idée. Mon entreprise pourrait vous proposer des prix défiant toute concurrence. Voici ma carte. Merci. Et voici la mienne. Mais dites-moi, il n'y a pas d'autruche en Australie? Non, mais il y a des émeus qui ont des plumes magnifiques. Croyez-moi, c'est l'avenir.